Chapitre 61. Comment nous devons persévérer dans la lutte et combattre jusqu'à la mort. Entre les conditions requises pour réussir en ce combat, il faut ranger la persévérance. Nous devons nous attacher à mortifier sans relâche nos passions déréglées, parce qu'elles ne meurent jamais tant que nous sommes sur la terre et qu'elles germent incessamment comme de mauvaises herbes. C'est en vain qu'on voudrait fuir le combat. Il ne finit qu'avec la vie. Et quiconque refuse la lutte est nécessairement fait prisonnier ou mis à mort. De plus, nous avons affaire à des ennemis qui nous portent une haine implacable. Nous ne pouvons en espérer ni paix ni trêve, car ils sont d'autant plus acharnés à notre perte que nous recherchons davantage leur amitié. Vous ne devez pourtant vous épouvanter ni de leur puissance, ni de leur nombre, car en ce combat n'est vaincu que celui qui veut l'être. Toute la force de nos ennemis est entre les mains du divin capitaine pour l'honneur duquel nous combattons. Non seulement il ne permettra pas que vous tombiez entre leurs mains, mais il prendra lui-même les armes. Et comme il est plus puissant que tous vos adversaires, il vous mettra la victoire entre les mains. Pourvu toutefois que vous combattiez courageusement à ses côtés et que vous mettiez votre confiance, non en vous-même, mais en sa puissance et en sa bonté. Et si le Seigneur tarde à vous donner la victoire, ne perdez pas courage. Songez, pour vous animer au combat, que les obstacles que vous rencontrerez, que toutes les circonstances les plus défavorables et les plus désastreuses en apparence, il les fera tourner à votre profit et à votre avantage, du moment que vous vous comportez en soldat fidèle et généreux. Marchez donc à la suite de votre céleste capitaine qui a vaincu le monde et a été mis à mort pour vous. Soutenez la lutte avec un cœur magnanime, et poursuivez-la jusqu'à l'entière destruction de vos ennemis. Car si vous en laissiez vivre un seul, ce serait là pour vous comme une paille dans l'œil, ou comme une lance au côté, qui vous empêcherait de courir à une si glorieuse victoire. Chapitre 62. De la résistance à opposer aux ennemis qui nous attaquent au moment de la mort. Quoique toute notre vie soit ici-bas une guerre continuelle, la journée la plus importante et la plus périlleuse est celle où il nous faudra faire le grand passage du monde à l'éternité. Celui qui tombe en ce moment ne se relève plus. Le moyen à prendre pour vous trouver à cette heure dans de bonnes dispositions, c'est d'employer le temps que Dieu vous accorde à combattre vaillamment. Celui, en effet, qui combat bien durant la vie se prépare, par l'habitude acquise de la victoire, un triomphe facile à l'heure de la mort. De plus, pensez souvent à la mort. Considérez-la d'un œil attentif. C'est le moment de la craindre moins lorsqu'elle se présentera, et d'avoir alors l'esprit libre et prêt au combat. Les gens du monde évitent cette pensée pour ne pas interrompre le plaisir qu'ils prennent aux choses de la terre. Tâcher de devoir les quitter un jour serait un tourment pour eux. C'est ainsi que leur affection désordonnée, bien loin de diminuer, va toujours croissant, et lorsqu'arrive pour eux le moment de dire adieu à cette vie et à tant d'objets chers à leur cœur, ils sont en proie à un tourment incroyable, et d'autant plus horrible qu'ils ont joui plus longtemps des biens qu'ils vont quitter. Parfois aussi, pour mieux vous préparer à ce moment terrible, représentez-vous seul et sans secours parmi les douleurs de la mort, et considérez les choses que je vais dire et qui pourraient alors vous tourmenter. Puis, vous entretiendrez votre pensée des remèdes que je vais vous proposer, afin de vous mettre à même de mieux vous en servir à cette heure de suprême angoisse, car il faut nécessairement apprendre à bien faire une chose qu'on ne peut faire qu'une fois, de peur de commettre une faute à jamais irréparable. Chapitre 63. Des quatre assauts que nos ennemis nous livrent à l'heure de la mort, et premièrement de la tentation contre la foi et de la manière d'y résister. Parmi les assauts que nos ennemis nous livrent à l'article de la mort, il y en a quatre qui sont particulièrement dangereux. Ce sont la tentation contre la foi, le désespoir, la vaine gloire, et enfin les diverses illusions dont ces esprits de ténèbres, transfigurés en anges de lumière, se servent pour nous tromper. Pour ce qui regarde le premier assaut, si l'ennemi emploie pour vous tenter des raisonnements faux et captieux, laissez là votre intelligence, et recourez à la volonté en disant « Retire-toi, Satan, père du mensonge, je ne veux pas même t'écouter ». Il me suffit de croire ce que croit la Sainte Église romaine. Fermez autant que possible l'entrée de votre âme à toute considération sur la foi. Vous sembla-t-elle de nature à fortifier en vous cette vertu? Regardez-la comme un moyen dont le démon se sert pour engager la discussion. Si vous n'êtes plus en état de vous défaire de ces pensées, demeurez ferme et ne croyez rien aux raisons que l'ennemi vous alléguera, non plus qu'au texte de la Sainte Écriture qu'il apportera à l'appui de ses insinuations. Quelque clair et décisif que ces textes vous paraissent, soyez certains qu'ils sont tous tronqués, mal cités et mal interprétés. Et si le serpent rusé vous demande ce que croit la Sainte Église, ne répondez pas. Mais sachant qu'il veut vous surprendre et abuser de vos paroles, contentez-vous de faire intérieurement un acte de foi vive, ou, si vous voulez le faire dépiter davantage, répondez-lui que la Sainte Église romaine croit la vérité. Et s'il vous demande quelle est cette vérité, répliquez-lui, c'est précisément ce que croit l'Église. Par-dessus tout, tenez votre cœur attaché à Jésus crucifié et dites-lui, ô mon Dieu, mon Créateur et mon Sauveur, venez promptement à mon secours et ne vous éloignez pas de moi, afin que je ne m'écarte pas de la vérité de la foi catholique. Et puisque vous m'avez accordé la grâce de naître dans cette foi sainte, faites que j'y finisse mes jours pour votre plus grande gloire. Chapitre 64. De l'assaut du désespoir et de la manière de s'en défendre. Le second assaut, au moyen duquel le malin esprit cherche à nous abattre sans retour, c'est l'épouvante qu'il suscite en nous au souvenir de nos péchés, afin de nous précipiter dans l'abîme du désespoir. Dans ce danger, prenez pour règle infaillible que la pensée de vos péchés vient de la grâce et qu'elle vous est accordée pour votre salut lorsqu'elle produit en vous des sentiments d'humilité, de repentir de vos péchés et de confiance en la bonté divine. Mais lorsque cette pensée vous jette dans l'inquiétude, la défiance et la pusillanimité, porta-t-elle sur des choses vraies et capables de faire croire que vous êtes damné et qu'il n'y a plus pour vous de salut espéré, regardez-la comme un artifice du démon. Humiliez-vous et redoublez de confiance en Dieu. C'est le moyen de vaincre votre ennemi avec ses propres armes et de rendre gloire à Dieu. Excitez-vous, je le veux bien, au repentir de vos péchés toutes les fois qu'ils vous reviendront à la mémoire, mais que ce soit pour en demander pardon au Seigneur, avec une confiance sans borne dans les mérites de sa passion. Je suppose même que vous croyez entendre Dieu vous dire au fond du cœur que vous n'êtes point du nombre de ses élus. Ce n'est pas une raison pour rien perdre de votre confiance en lui. Dites-lui plutôt avec un sentiment profond d'humilité. Vous avez bien sujet de me réprouver à cause de mes péchés, mais j'ai plus de sujet encore d'espérer que votre miséricorde me les pardonnera. J'espère donc le salut d'une misérable créature, vouée à la damnation par sa propre malice, mais aussi rachetée au prix de votre sang adorable. Je veux me sauver pour votre gloire, ô mon Rédempteur, et confiante en votre miséricorde infinie, je m'abandonne entre vos mains. Faites de moi ce qu'il vous plaira, pourvu que vous soyez mon unique maître. Quand vous me tueriez, je ne laisserai pas d'avoir en vous une inébranlable confiance. Chapitre 65. De l'assaut de la vaine gloire. Le troisième assaut, c'est celui de la vaine gloire et de la présomption. Sous ce rapport, veillez à ne pas vous laisser entraîner, sous quelque prétexte que ce soit, au moindre mouvement de complaisance en vous-même ou en vos actions. Glorifiez-vous uniquement dans le Seigneur, dans sa miséricorde, dans les mérites de sa vie et de sa passion. Humiliez-vous de plus en plus à vos propres yeux, jusqu'à votre dernier soupir. Et si vos bonnes œuvres vous reviennent à la mémoire, reconnaissez que c'est Dieu qui en est l'auteur. Implorez son secours, mais ne l'attendez point de vos mérites, si nombreuses et si éclatantes qu'aient été vos victoires. Tenez-vous toujours dans une crainte salutaire et, confessant ingénument que toutes vos œuvres seraient inutiles si Dieu ne les recueillait pas à l'ombre de ses ailes, vous vous confieriez uniquement à sa protection. Si vous suivez fidèlement ses avis, vos ennemis ne pourront prévaloir contre vous, et vous vous ouvrirez ainsi le chemin pour passer joyeusement à la Jérusalem céleste. Chapitre 66. De l'assaut des illusions et de fausses apparences à l'article de la mort. Si l'ennemi qui s'acharne à notre perte avec une activité que rien ne lasse se transforme en ange de lumière pour vous assaillir de vaines illusions, demeurez ferme et immobile dans la connaissance de votre néant, et dites-lui hardiment, « Retourne malheureux dans les ténèbres d'où tu es sorti. Je ne mérite pas d'être favorisé de visions célestes. Je n'ai besoin que de la miséricorde de mon Jésus et des prières de la Vierge Marie, de Saint Joseph et des autres saints. Eussiez-vous les meilleurs motifs de croire que ces visions vous viennent du ciel ? Gardez-vous d'y ajouter foi, rejetez-les bien loin de vous. Cette résistance fondée sur le sentiment de votre indignité ne saurait déplaire au Seigneur. Si c'est lui qui agit en vous, il saura bien rendre son action évidente à vos yeux. Et vous n'y perdrez rien. car celui qui donne sa grâce aux humbles ne la retire point, quelques actes d'humilité qu'il pose. Voilà les armes dont notre ennemi se sert généreusement contre nous à ce moment suprême. En outre, il nous tente chacun en particulier, d'après les inclinations auxquelles il sait que nous sommes plus sujets. C'est pourquoi nous devons, avant l'approche du grand combat, nous armer et lutter vaillamment contre les passions qui nous attaquent, avec plus de violence et qui exercent sur nous un plus grand empire, afin de remporter plus facilement la victoire à ce moment suprême qui ne laisse plus d'autres moments après lui pour le pouvoir faire encore. Vous combattrez contre eux jusqu'à leur plus complète destruction. Ceci est un enregistrement sous licence paternité, pas d'utilisation commerciale, partage des conditions initiales à l'identique.